Apocalypse chapitre 8. Et quand il eut ouvert le septième sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui assisent devant Dieu, auxquels furent données sept trompettes. Et un autre ange vint, et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, et l'ayant rempli du feu de l'autel, il le jeta en la terre, et il se fit des tonnerres, des voix, des éclairs, et un tremblement de terre. Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes, se préparèrent pour sonner des trompettes. Et le premier ange sonna de la trompette, et il se fit de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés en la terre, et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et je vis comme une grande montagne ardente de feu, qui fut jetée en la mer, et la troisième partie de la mer devint du sang. Et la troisième partie des créatures vivantes qui étaient dans la mer, mourut, et la troisième partie des navires périt. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur la troisième partie des fleuves, et dans les fontaines des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe, et la troisième partie des eaux devint Absinthe, et plusieurs des hommes moururent par les eaux, à cause qu'elles étaient devenues amères. Puis le quatrième ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie aussi de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et la troisième partie du jour fut privée de la lumière, et la troisième partie de la nuit fut tout de même sans clarté. Alors je regardai, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, et qui disait à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des trois autres anges, qui doivent sonner de la trompette. »